Bonjour. Vous allez bien, je vois ça. Je n'en doute pas. Moi aussi je vais bien. Et l'André l'a dit, 2 Timothée, c'est-à-dire même auteur, Dieu, même écrivain Paul, même destinataire, Timothée et nous. Ça ne change pas. Et je pense que faire l'introduction, c'est un bien grand mot, là, parce que Christian a déjà fait l'introduction de ces 2 livres il y a à peu près 5 semaines. Et comme je fais confiance en nos mémoires, je suis sûr qu'on se souvient de beaucoup de choses qu'il nous a présentées. Autrement, il y a toujours ces notes qui sont disponibles. J'ai choisi comme titre « Toi donc, mon enfant » pour introduire ce livre-là. Tout à l'heure, on a chanté un cantique qui dit « Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux, conduis-moi jusqu'au royaume des cieux. » Mais le chemin est sombre et rocailleux. Concrètement, c'est de quel chemin on parle? Je ne pense pas qu'on parle de comme Élie est monté sur les chevaux de feu, là. Quel chemin on parle? C'est à peu près de ça qu'on discute ce matin. On voit le chemin qui se dresse devant Paul, le chemin qui se dresse devant Timothée et le chemin qui se dresse devant nous. Parce que rien n'a changé depuis leur temps. Et les épreuves qui ont été les leurs sont les nôtres. Les temps difficiles qu'ils ont vécu à leur temps par rapport à l'Évangile sont exactement les mêmes temps difficiles que nous vivons de nos jours. Même si nous ne connaissons pas de persécution physique encore au Québec, mais l'Évangile, si on questionne l'Évangile, l'Évangile va nous dire, moi, je suis persécuté au Québec. Personne ne veut rien savoir de l'Évangile. Sauf ceux qui sont destinés, que Dieu a choisi pour recevoir son message. Alors, j'ai choisi un texte qu'on connaît bien dans Hébreux pour introduire ce message. Mais je l'ai mis en français courant, parce qu'on le connaît beaucoup en Louis II. En français second, ce texte dit « Veillons ». Veillons, c'est, tout le monde sait, quand on veille sur un malade qui est à l'hôpital, là, qu'on fait la veille parce qu'on est à son chevet, c'est qu'on surveille que tout va bien. C'est ça le sens. Veillons les uns sur les autres pour nous aider, pour nous inciter à mieux apprendre à s'aimer les uns les autres et à aimer le Seigneur. Ensuite, il dit, la première chose, c'est veillons. La deuxième, c'est n'abandonnons pas. On va voir là si vous avez eu l'occasion de lire 2 Timothée. Là. Sinon, je sais que vous allez le lire. Je vous exhorte à le lire. Le thème d'abandon revient tout le temps. Dans un contexte, Paul est abandonné, littéralement, par les gens qui l'entourent. Et avec qui il a travaillé. Donc, n'abandonnons pas la communion fraternelle. N'abandonnons pas les liens que Dieu nous a donné de vivre, d'avoir entre nous. N'abandonnons pas l'amour des frères et sœurs. Okay? N'abandonnons pas l'assemblée, l'église, pas le bâtiment, là. Mais les gens que Dieu a placés dans nos vies pour le servir ensemble, pour vivre la communion avec lui. Parce qu'il y en a d'autres qui ont pris l'habitude de le faire. C'est écrit dans le texte. Comme quelques-uns qui ont pris l'habitude de le faire. Et en plus, le texte là, hébreu, c'est à peu près ceux qui connaissent l'histoire, qui sont sérieux, qui aiment le Seigneur, qui savent situer ces choses dans le temps, qui savent les dater là. C'est 2 ans d'écart entre 2 Timothée et Hébreu hein, d'écriture. 2 Timothée vers Hébreu vers 68, 2 Timothée vers 56. Donc on est dans le même contexte où l'Église traverse un temps difficile et il y a des gens qui se relâchent. Donc n'abandonnons pas la communion fraternelle. Alors, ça, c'est juste un rappel de ce qu'on a déjà lu ensemble et appris ensemble avec Christian. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Juste pour quelques petits mots sur ce Timothée-là. On se souvient que Timothée, quand il commence à suivre Paul, là, il a à peu près 20 ans, un peu comme sa rêve. N'est-ce pas sa rêve? Ah, mon Dieu, 19. Quand il se convertit au Seigneur, il a à peu près 19 ans comme sa rêve. Donc, sa rêve s'est convertie bien avant Timothée. Et quand il embarque avec Paul, il est rendu, dans le début, il est à peu près 20. Il accompagne Paul dans l'établissement des églises. Et quand il reçoit sa première lettre qu'on a vue ensemble, il a l'âge de l'André, à peu près 28 ans. Là, l'André va me dire, moi j'en ai 29, c'est vrai, mais il a à peu près ça. Et quand il reçoit la deuxième, à 39 ans, là, il a un âge exact. Il a mon âge. 39 ans. Donc, tout ça pour dire, ça fait 19 ans qu'il chemine avec Paul. Et ça va être très important de se rappeler ça parce que quand on lit là au chapitre 3 de ce texte-là, au verset 10, quand Paul va lui dire « pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions. » Tu vas citer toutes les persécutions qu'il a vécues. Et très important, ma constance. Ma constance. Est-ce qu'elle est là, constance? Ah, c'est ça? Je savais qu'elle allait lever la main. Ma constance. C'est très important. Donc, ça fait 19 ans à peu près. Et bien évidemment, on l'a vu là, beaucoup de missions que Paul lui confie. Des fois, il est co-auteur avec Paul dans certaines lettres. Quand on arrive dans 2 Timothée, ça a le ton d'un testament, c'est la dernière lettre que Paul va écrire. Et quand il écrit ce livre-là, il est en prison. Et il est en prison à Rome. Et ce n'est pas le même contexte quand on lit les livres des Actes à la fin, là, au chapitre 28, si je ne me trompe pas, qu'il arrive à Rome. Oui, il est prisonnier, mais il va louer un appartement, il va recevoir du monde, il va avoir la liberté d'exercer son ministère. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, il est vraiment en prison. D'après le texte, il est lié dans des chaînes. Et quand il demande à Timothée de venir le voir, il lui demande d'amener un manteau. On s'imagine qu'il fait un peu froid là-dedans. Ce n'est pas les bonnes conditions. Donc, il est en prison. Et étant dans la prison, contrairement à quand il était prisonnier à Rome la première fois, que dans des épîtres, on voyait qu'il disait carrément aux frères que j'envisage venir vous voir. Ici, il n'envisage pas ça. Il dit, mon temps est arrivé. Je sers déjà de libation, ma fin est proche. Et littéralement, là, je ne vais pas vous lire tous parce qu'on va étudier ces textes en détail. Il va dire, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, etc. Donc, il est en train de dire, c'est un mentor, un père spirituel, qui est en train de dire à son protégé, je m'en vais. Je vais mourir. Alors, toi donc, ça va revenir très souvent dans le texte, toi donc, pour la suite, il faut tenir ferme. C'est ce qu'on va voir ensemble. Le contexte est très, très difficile pour l'Église à cette époque-là. Là, je n'entrerai pas dans les détails historiques et j'étais très content que Christian ait déjà fait ces détails-là. Hier soir, en discutant avec lui, là, je voulais lui présenter ça. Il m'a dit, non, tu n'es pas là pour faire un cours, tu es là pour enseigner. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, sinon ça va être, je vais me perdre dedans. Mais on se souvient que nous sommes dans une époque d'Empire romain, pour ceux qui se souviennent un peu des cours d'histoire, où l'empereur romain Néron a vraiment été méchant avec l'Église. Pour toutes sortes de raisons politiques, là, il a canalisé la colère du peuple contre lui sur les chrétiens. Et en ce moment-là, ils ont subi des atrocités immenses. Je me souviens quand j'étais là-bas, quand je n'étais pas à Rome, je n'ai jamais été dans l'Empire romain. Quand moi, j'ai étudié, j'ai fait mon secondaire en Italie. Là, et on faisait nos cours, on nous présentait des religions. Quand on étudiait la persécution des chrétiens, on nous faisait visiter ces sites-là. À l'époque, j'avais 15 ans, je m'en foutais, ça ne me disait rien du tout. J'étais là juste pour être là, mais malheureusement. Mais c'est des lieux qui existent encore aujourd'hui, qui sont visités, qui sont des vestiges, mais qui témoignent des faits, qui sont les faits du contexte de 2 Timothée. Et dans ces persécutions, dans ce contexte où l'Église est persécutée, on les livre à l'atrocité des animaux sauvages, on les brûle vifs, etc., là, il y en a beaucoup qui fléchissent dans leur foi et qui abandonnent la foi, qui abandonnent la communion. Okay? Je ne vais pas dire abandonner la foi dans le sens salut, mais je veux dire qu'ils quittent la communion, qui abandonnent Paul. Il va dire là, lui-même dans le texte que tel m'a abandonné, tel m'a fait beaucoup de mal. Et Paul se retrouve quasiment seul. Il est avec Luc, là où il se trouve. Luc, l'arciste, il est avec Luc. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va écrire. Il va écrire à Timothée. Donc, c'est un contexte très sérieux. Non seulement c'est très sérieux, mais quelqu'un qui a combattu toute sa vie pour l'Évangile, qui s'en va et qui prend Timothée pour dire « poursuis l'œuvre », il parle vraiment de, au Québec on dit, de ses tripes. Il parle avec ses tripes, il parle vraiment du fond du cœur dans toutes les exhortations qu'il va adresser à Timothée. Donc il va l'appeler à être fort. Et il va l'appeler à ne pas relâcher, à continuer de prêcher la parole. Et si on compte là, il y a comme 25 impératifs dans les textes qu'on regarde ce matin. Dans 2 Timothée, c'est un peu différent. On avait des instructions par rapport à la vie d'église. Et comment se comporter. Il lui a dit, je vais venir vers toi. Si je tarde, voici comment tu dois te comporter dans l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée. Je voulais dire 1 Timothée, merci Christian. Mais là, c'est différent. Je m'en vais et toi, voici ce que je te recommande. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus. Là, j'ai pris ça des notes de John MacArthur. Quand vient le temps de prononcer des noms en anglais, je marque une pause là, parce que je ne suis pas bilingue. Et c'est un plan tout à fait respectable de ce qu'on va voir ensemble au cours des prochaines semaines. Là, donc, on sait toujours les salutations dans les lettres de Paul. Donc, il y a un appel vraiment à la persévérance. Le texte est comme divisé en deux grandes parties. Il y a un appel à être fort et un appel à poursuivre la prédication de l'Évangile, les ministères de l'Évangile, la prédication de la parole de Dieu. Donc, et il présente des modèles à suivre parmi lesquels il est lui-même. Et on peut avoir des modèles comme des soldats au service, des athlètes qui travaillent fort pour atteindre un but, des laboureurs qui travaillent, le Seigneur lui-même, un ouvrier qui a vraiment à cœur les résultats de son ouvrage. Et il prévient sur les dangers, là, c'est le mot qu'il utilise ici à Apotasie, là, de l'hostilité du monde, le rejet de la foi, qu'il va vivre ça. Il parle aussi de vraiment son devoir de prêcher en raison du don qu'il a reçu de Dieu par l'imposition de l'apôtre, les mains de l'apôtre lui-même. Et ensuite, il va conclure le texte. Donc, je sais que vous en avez hâte. On va le lire. Par les 4 chapitres, on va lire 1 Timothée 1. Et dans le chapitre, là où on va vraiment mettre l'emphase, c'est sur les exhortations qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Pas nécessairement pour Timothée, mais dans notre contexte à nous. Est-ce que vous êtes dans 2 Timothée? Bon, je vais le lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes liens, de mes chaînes. Au contraire, il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Nous, ce matin, ce qu'on va voir, c'est que dans les temps difficiles qui sont les nôtres, que nous vivons, nous devons appliquer à nous-mêmes les trois exhortations que Dieu adresse à Timothée dans le texte qu'on vient de lire. Donc, on va aller chercher trois exhortations que nous devons appliquer à nous-mêmes parce que nous aussi, nous traversons des temps difficiles par rapport à la foi que nous professons. Alors, la première exhortation dit « Ranime le don de Dieu que tu as reçu » textuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit n'avoir rien reçu de Dieu? Avons-nous tous en commun au moins le don que Dieu nous a fait de croire en lui? Le don de la foi. Il y a des raisons apparentes dans le texte et dans le contexte qui ont amené, qui ont poussé l'Esprit de Dieu à amener Paul à écrire ces choses à Timothée. Alors, quand on lit les textes, on voit que Paul prie pour Timothée. Il a vraiment à cœur de prier pour lui. Il dit, « Nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Il a à cœur de prier pour Timothée. Et on voit qu'il se souvient des larmes. Je ne sais pas dans quel contexte, il n'y a pas de texte, d'éléments dans le Nouveau Testament qui nous dit dans quel contexte Timothée a versé ces larmes-là. Mais certainement, ma conviction, c'est dans le contexte de son ministère. Est-ce la dernière fois qu'il a vu l'apôtre, qu'ils se sont séparés? Je ne sais pas. Mais Paul, lui, se souvient de ces larmes-là. Et Paul se souvient aussi qu'il croit au Seigneur sincèrement. Il dit la foi sincère qui habite en toi. Et Paul le ramène à la foi de ses parents, sa mère et sa grand-mère. Et lui parle aussi de la foi à lui de ses ancêtres. Nous servons le Seigneur. Nos ancêtres l'ont servi, ta mère et ta grand-mère l'ont servi. La même foi habite en toi, je me souviens. Alors je t'encourage, en vertu de cette foi-là qui est en toi, je t'encourage. Je t'encourage à réanimer le don de Dieu que tu as reçu. Je t'encourage à te souvenir de la puissance de ton engagement. Le jour-là qu'on s'est fait baptiser, qu'on était, je peux dire, tout feu, tout flamme, pour ceux qui sont baptisés, on était animé d'un zèle vif. 10 ans plus tard, pourquoi 10 ans? 2 ans plus tard, on ne se souvient pas tout à fait pourquoi on s'est fait baptiser. Parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Des difficultés, des épreuves de la vie, des déceptions, des désespoirs. Autant nous que les jeunes. Les jeunes, tu demandes à nos jeunes là, peux-tu me réexpliquer le jour que tu te faisais baptiser, on fait tous une belle confession. Peux-tu me réexpliquer aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi vivant en toi, cette confession que tu faisais? Je ne sais pas. Vous me posez la question, la réponse est non. Alors Paul dit, le ramenant à son premier amour, à son premier zèle, il dit, je me souviens de la foi sincère, je ne doute pas de la foi. On ne parle pas de, oui, tu as la foi en Dieu. Mais est-ce que tu as encore les ailes du service, la joie de l'évangile? Quand on parle des ailes de service, on parle dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est encore à toi, en toi? Bon, c'est sûr que on se souvient de la première épître à Timothée que, en plus des menaces grandissantes que l'Église vit par rapport à l'Empire romain, là, il y a aussi des difficultés à l'intérieur de l'Église d'Éphèse. Il y a de l'hostilité par rapport à des gens qui refusent l'autorité de Timothée parce qu'il est jeune. Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a des attaques des docteurs contredisants qui veulent renverser la foi, qui enseignent de fausses doctrines. Il y a ce contexte, mais il y a Timothée lui-même. Timothée n'est pas Paul. Timothée, c'est Timothée. Il a sa personnalité, il n'a pas la même hardiesse qu'on peut lire, voir au travers des écrits de Paul qui l'anime. Il a son côté peut-être un peu plus doux, je ne dis pas que Paul n'est pas doux, mais je veux dire un peu plus moins hardieux. Et en plus de cela, quand il avait des questions, c'était simple, Paul est là. S'il y avait des difficultés, Paul est là. Il y avait un appui, je peux dire, sur terre, visible, tangible, mais qui est sur le point d'être exécuté. Est-ce que ça ne peut pas décourager? Parce que je veux savoir comment je vais finir. Je vois comment mon mentor finit. Et ils y passent, c'est pas juste Paul là qui est persécuté. Donc, nous aussi, aujourd'hui, on est confrontés aux mêmes difficultés par rapport à la foi. Moi, j'ai beaucoup aimé quand on était au banquet, ils ont passé. Moi, j'ai beaucoup découvert l'histoire de l'Église au Québec. Là, ils ont passé l'histoire de ceux qui ont travaillé au Québec dans les premiers temps pour amener l'Évangile au Québec, comment ça a été difficile et comment ils ont persévéré. Et comment Dieu a béni? Dieu a béni, ça n'enlève pas que ça a été difficile. Et pour Timothée, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile que les apôtres sont comme le temps apostolique et comme en train de tirer à sa fin. Alors, quand Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Ranime le don, parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Timidité, là, si on regarde sans trop en faire dans le grec, là, ça renvoie à une condition de lâcheté, de peur, okay? De manque de courage, manque de zèle, d'inconstance. Et le résultat, c'est la confusion. Imaginez Paul inconstant dans sa foi, là, aujourd'hui, oui, demain peut-être. Ça fait confusion dans la foi. Et ça, c'est notre côté humain. C'est la réaction humaine naturelle. Face à l'épreuve, face aux difficultés, dans le contexte où nous servons tous les Seigneurs ensemble, en Église, avec des frères et sœurs, aux premières difficultés, ça, la réaction humaine, c'est la peur, c'est l'hésitation, c'est le manque de courage. Okay? Et Paul dit, voici ce qu'est l'Esprit de Dieu, voici ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, ce qu'il est, un esprit de force. Dans Actes, c'est dit, vous recevez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Un esprit de force. Un esprit d'amour. Amour ici qui veut dire amour de la parole de Dieu, amour des frères et sœurs. Un esprit de sagesse. Sagesse, dans d'autres passages, ça nous renvoie principalement à l'admiration de la personne de Dieu. C'est-à-dire, la souveraineté et les plans parfaits de Dieu sont vraiment le centre de mon attention et je fais confiance à sa toute-puissance. Il dit, voilà l'esprit que nous avons reçu. Et c'est cet esprit que nous avons reçu qui agit en nous. Alors, il écrit à Timothée pour dire, remplace tes peurs actuellement que je sais que tu peux vivre. Remplace-les par la force de Dieu, par l'amour des frères et sœurs, l'attachement à l'Écriture, l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce que je sais que tu crois. Je connais ta foi sincère. N'aie pas honte, n'aie pas ceci, n'aie pas cela. Et c'est la même adresse qui nous est faite à nous aujourd'hui. Des fois, on parlait vendredi à la jeunesse, là, ils sont là. Juste Emmanuel qui est là aujourd'hui. On avait à peu près le même texte que l'André a enseigné, que tout ce qui est pur, vrai, soit l'objet de tes pensées. Là. Dans le sens de remplacer nos pensées par les pensées de Dieu. Mais c'est difficile aujourd'hui de... Parce que nous, on n'est pas dans un contexte de violence physique. La violence est beaucoup plus psychologique. On a peur de dire quelque chose. Et on a tellement peur qu'on cède parce que des fois, on réagit. Ça arrive, des blagues qu'on désapprouve, mais on réagit, on rit quand même parce qu'on a peur de ne pas faire partie de la bonne dynamique, de la bonne conversation, etc. Là. Mais aujourd'hui, la persécution, c'est vraiment que... C'est mal vu d'être croyant. C'est mal vu d'être disciple. Qui aujourd'hui arriverait quelque part, il dit, mais il y en a qui disent, moi je suis écologiste, moi je suis ceci. On dit, moi je suis disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est pas bien vu du tout. C'est attardé. C'est encore moins à l'école. Ce qui est bien, c'est d'être écologiste. C'est d'être. S'identifier à un parti politique. Ça, c'est bien. On est dans l'ère du temps. Alors, si c'est mal vu, c'est que c'est persécuté, c'est que c'est pas valorisé, c'est que c'est rejeté, c'est que c'est combattu. C'est-à-dire, combattu veut dire on veut renverser ça. On veut changer ça avec autre chose. Et Dieu veut que notre réaction à ces persécutions ne soit pas fondée sur la peur, notre attitude soit fondée sur la force, la sagesse et l'amour. Juste un petit... j'ai juste pris un verset que j'ai éclaté dans un tableau, que je suis certain que vous connaissez. Dans un contexte, Paul parle de ses épreuves et comment il vit l'épreuve. Alors, d'un bord, on a ce qui arrive à nous. Il dit, Nous sommes pressés de toutes les manières. C'est-à-dire, encore nous, aujourd'hui, on peut dire ça par rapport à la parole de Dieu, nous sommes pressés de toutes les manières. Nulle part, la parole de Dieu n'est bienvenue. Nous sommes dans la détresse. On ne peut pas le renier, ça nous arrive de vivre la détresse. Nous sommes persécutés et ça nous arrive d'être abattus. Mais regardez comment l'Esprit de Dieu répond de l'autre bord. Pressé, mais jamais réduit à l'extrémité. On ne manque pas de ressources. Dieu est toujours là. Dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Ok? Persécuté, oui, c'est vrai, mais jamais abandonné. Abattu, oui, mais pas perdu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous répond. Ça, c'est comme une conversation entre nous et le Saint-Esprit. Ça ne va pas, Seigneur? Oui, mais prends courage et appuie-toi sur la sagesse, la force de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ils sont là. Seigneur, je suis dans la détresse. Oui, humainement, c'est vrai. Mais ton espérance s'appelle Jésus-Christ. Elle est vivante. Et Jésus-Christ ne meurt pas. Ça nous dit Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus jamais. C'est fini. Persécuté, c'est vrai, mais tu n'es pas abandonné. Abattu, tu n'en peux vraiment plus, c'est vrai. Mais tu sais où tu en vas. Tu n'es pas perdu. Il dit, et vous connaissez le chemin. Alors, première exhortation, ranime le don. Si tu t'affaiblis, si ça fait un bout de temps que tu dis, il me semble qu'au début de ma foi, là, de mon cheminement avec Dieu, j'avais beaucoup plus de zèle aujourd'hui. C'est qu'on vit les mêmes choses que Timothée pouvait vivre. Et ce n'est pas besoin d'être une persécution physique. Et l'adresse que Dieu nous fait, c'est ranime ta foi, ranime le don que je t'ai donné et vis-le librement. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas réduit à l'extrémité, tu n'es pas dans le désespoir. La deuxième exhortation, ce n'est pas honte du Seigneur. Alors, verset 7 dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Ne pas avoir honte du Seigneur, ni de ceux qui souffrent pour le Seigneur. Parce que c'est pour cet évangile que j'ai été établi, etc. Ensuite, il dit, « C'est à cause de cela, de cet évangile établi pour amener nous, les non-juifs, à la foi. C'est à cause de ça que je souffre. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous savez en qui vous avez cru? On peut dire Dieu. On a cru en Dieu. Juste dans... Si on devait essayer d'expliquer en qui nous avons cru, là, on n'en a pas... depuis que Adam, si Adam devait vivre, qu'il avait commencé à parler, il serait encore en train de parler aujourd'hui. Mais si on prend juste dans 1 Timothée et 2 Timothée, les attributs de Dieu que Paul présente à Timothée. Et quand tu lui dis, je sais en qui j'ai cru, juste dans ces livres, et ça se peut que j'en ai échappé une coupe. Okay? Il lui dit, il est le roi des siècles. Immortel, invisible, le seul Dieu à qui appartiennent honneur et gloire, c'est le même qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges et qui est prêché aux nations, aux gentils, et qui est cru dans le monde. Il est bienheureux, seul souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ni ne peut voir. Et à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Chapitre 1. Donc, Timothée a déjà lu ça une première fois. Ensuite, il complète dans la deuxième lettre. Il est fidèle à tel point que, quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne se renie pas. Il est juge des vivants et des morts. Quelque part dans Luc 12, je pense, Jésus va nous dire, craignez pas ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent rien faire après avoir tué la chair. Craignez plutôt, il dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez plutôt celui qui, après avoir tué la chair, a la puissance, le pouvoir de jeter l'esprit dans la géhenne. C'est lui qui doit. Il est le juge des vivants et des morts. Il réserve la couronne de justice à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire tous ceux qui soupirent après la venue du Seigneur. Il assiste et fortifie ses enfants. Il délivre de toute œuvre mauvaise et sauve pour faire entrer dans le royaume céleste. Alors, dans les deux lettres, quand Paul lui dit « Je sais en qui j'ai cru », on peut voir. Et la question qui se pose à nous, est-ce que nous, on a une compréhension claire quand on est confronté à une difficulté de dire « Non, je ne céderai pas parce que je sais en qui j'ai cru ». Est-ce qu'il y a comme quelque chose de Dieu qui revient clairement dans notre esprit pour dire non? Parce que c'est très important, et surtout pour quand on parle avec les jeunes, là, c'est difficile d'avoir du zèle pour quelque chose qui nous fait honte. Demander ça à personne, d'être zélé pour quelque chose dont il a honte. Le zèle, c'est d'être fier de à qui j'appartiens. Ça commence par ça. Et c'est important d'avoir une pensée claire de qui est celui à qui j'appartiens. Et quand j'ai cette compréhension claire que je suis le fils ou la fille du roi des rois, immortel, invisible, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, on peut aller de l'avant avec les ailes. Donc, c'est super important quand il dit « N'aie pas honte du Seigneur ». Pourquoi? Parce que nous savons en qui nous avons cru. Il faut savoir qui est celui en qui nous avons cru. Ça, c'est la deuxième exhortation. La première, ranime le don. La deuxième, n'aie pas honte. Sois fier d'appartenir au Seigneur. Et ensuite, la dernière, il dit attache-toi à la vérité des Écritures. Textuellement, les versets 13 disent « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Retiens dans la foi. Et dans la charité. Depuis le début, Paul lui parle d'un esprit de sagesse, d'amour. La foi, c'est la foi en la puissance de Dieu. Dans le contexte où Timothée vit présentement, possiblement un temps difficile. Et Paul qui est en prison, lui dit, retiens dans la foi en la puissance de Dieu de tout ce que tu as appris de moi depuis les 19 ans que tu marches avec moi. Comprends que Dieu est seul souverain. Retiens la vérité de l'Évangile. Attache-toi à la vérité de l'Évangile. Il va lui dire, tellement que prêche en toute occasion favorable ou non, insiste. Garde dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle de sainte parole. Quand on regarde ce passage-là dans toutes sortes de commentaires, il y a toutes sortes d'explications. Mais ce que je retiens de l'exhortation qui nous est adressée ici, c'est ensemble, nous les enfants de Dieu, en Église, reconnaissons que l'autorité suprême, c'est la parole qui nous a été donnée, incluant les commandements qui nous sont donnés dans 2 Timothée. Et marchons ensemble dans cette vérité-là. Il dit, selon le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi, les saintes paroles, c'est l'Évangile. Le bon dépôt que Dieu a déposé à nous, c'est l'Évangile. Et ce qui nous unit ensemble ici aujourd'hui, c'est l'Évangile. Donc, marchons ensemble dans la vérité. On est dans un contexte où les fausses doctrines sont très menaçantes. En son temps et dans notre temps. On est dans un contexte où, il va le dire beaucoup plus tard dans le texte, où le monde n'accepte plus d'entendre la vérité, mais veut entendre des choses agréables. Et qui se donne une foule de docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et c'est des discours séduisants. Des discours séduisants qui peuvent entrer dans l'Église et menacer la cohésion d'Église. Donc, reconnais que l'autorité de Dieu, l'autorité, la parole de Dieu, c'est l'autorité. Et marchons ensemble sous l'autorité de cette parole-là, en veillant à nous aimer les uns les autres. Lui, il est comme leader d'Église. Il est certain que si on prend son contexte, la charité, retenir dans la foi, c'est d'être fidèle à l'enseignement véritable et l'enseignement dans la douceur. Enseigner dans la douceur la parole de Dieu, transmettre la douceur la parole de Dieu au travers des enseignements. Mais ces commandements ne sont pas juste pour les leaders d'Église, ils sont pour nous tous. Nous tous, nous sommes responsables de reconnaître que Dieu est l'autorité, de notre autorité. C'est lui et non pas l'influence qui peut venir de l'extérieur et qu'ensemble, nous veillons les uns sur les autres et nous marchons dans l'amour du Seigneur. Si je résume les 3 exhortations, le don, on l'a reçu, on n'a pas honte du Seigneur et on s'attache à la parole de Dieu pour marcher ensemble. Je vais prendre le bout de texte qui reste là, je vais le lire dans ma Bible, là je ne l'ai pas dans l'écran. Ça parle d'Onésiphore. Onésiphore, un frère dans le Seigneur qui a existé au temps de Paul. Et qui a eu un témoignage, qui a eu un comportement qui témoigne de tout ce qu'on vient de discuter ce matin, à l'égard de la vie de Paul. Donc, dans le verset 15, Paul dit, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, ici deux noms. » Au verset 16, il dit, « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes liens. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé. » Il prend cet exemple pour le citer à Timothée. Au chapitre 4, il va citer à Timothée, « Viens au plus vite vers moi. Okay? » Et en venant, passe chez elle, tu me prends le manteau qui est là-bas, viens avant l'hiver, tu ramènes aussi les livres, principalement le parchemin. Viens plutôt vers moi. Mais quand moi je me mets à la place de Timothée, là, que tu es à Rome, tu es en prison, on traque des chrétiens là-bas, et moi je dois venir te voir là-bas. C'est comme en 2020, quelqu'un m'appelle et me dit, je suis positif au COVID, un frère dans le Seigneur, alors que tout l'environnement me dit que c'est super dangereux. Jeff m'appelle et me dit, j'ai besoin de toi, viens me voir, etc. Je vais quand même avoir peur, non? Il dit, mais c'est OK, je vais venir, mais je m'expose, etc. L'exemple d'Onésiphore qui nous est présenté ici, là, c'est un exemple de zèle pour le Seigneur. Paul est abandonné de tous, il est avec Timothée, mais il y a un frère qui s'est levé et qui l'a cherché jusqu'à le trouver dans sa prison. pour lui apporter assistance. Paul, on va le voir au chapitre 4, il dit qu'il j'ai déjà comparu une fois. J'ai dit, ma première défense, pas sa première défense chez les Romains, là tu as deux fois devant la cour. Là. La première fois, c'est pour juger si la cause mérite d'être entendue en justice. La deuxième, c'est pour prononcer un jugement. Dans la première défense, il est sorti de là, il est en prison. Probablement qu'ils ont estimé que oui, toi tu mérites d'être jugé. Et donc, finalement, être exécuté. Donc, il n'est pas dans un contexte favorable. Mais il dit, Onosiphore est venu me voir. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de dépasser les peurs, de dépasser les craintes et de le servir. Quand un besoin se présente, il peut avoir toutes sortes d'hésitations. Quand un besoin se présente, il peut avoir toutes sortes de raisonnements, il peut avoir toutes sortes de peurs. Et l'application pour nous, vraiment, l'exemple d'Onésiphore est une belle application pour nous. Et quand il dit à Timothée, viens me voir au plus tôt, c'est une consolation pour Timothée aussi. Onésiphore a été là, il y a un frère qui a été là, ben, je peux y aller, je peux aller le voir. Et la question qui se pose, et on va le voir tout le temps, ça revient plusieurs fois dans le texte. Toi donc, mon enfant, il dit à Timothée. Il dit, mais pour toi, voici le contexte, mais pour toi, voici ce que tu dois faire. Et toi donc, dans ce contexte difficile qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à ranimer le don, à retourner à notre premier amour? À retrouver un zèle authentique, semblable à celui d'Onésiphore, celui de Paul, pour vivre la communion fraternelle avec les saints, pour servir le Seigneur. Des fois, on a été refroidi, comme moi, ça m'arrive. On s'éloigne, des fois, Dieu a fait témoin, des fois, je lui dis, écoute, la jeunesse, là, c'est... J'aimerais tellement faire autre chose le vendredi soir. À presque 40 ans, ben, je pense que mon vendredi soir, j'ai d'autres choses à faire. Mais ce n'est pas le zèle qui parle, ce n'est pas le zèle du service qui parle. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on... Est-ce que tu es prêt ou prête à t'appuyer sur le Saint-Esprit, à t'appuyer sur la parole de Dieu pour ranimer le don qu'il t'a donné pour servir ses enfants. Amen. Alors, on l'a commencé avec, on va le finir avec. Veillons les uns sur les autres et ne nous abandonnons pas. Restons ensemble dans la même foi. Ensemble, c'est super important. Nous soyons comme Onésiphore et non pas comme la multitude qui s'est éloignée de Paul. Soyons comme le reste qui est resté malgré les difficultés pour poursuivre l'œuvre de l'Évangile. Parce que les apôtres ne sont plus. Nous avons été édifiés sur leur fondement. Nous marchons sur la même foi que les apôtres et les prophètes. Aujourd'hui, les apôtres ne sont pas là. Les prophètes ne sont pas là. Qui est là? Nous qui sommes là, qui avons reçu leur témoignage, ils ont été témoins de sa résurrection, ils ont été témoins de son ascension au ciel, ils ont été témoins de sa transfiguration. Ils l'ont vu, ils nous ont dit, on a cru. C'est maintenant nous qui sommes envoyés vers ce monde hostile. En tant que serviteur, servant dans la maison de Dieu, en tant que parent pour éduquer des enfants, en tant qu'enfant pour montrer un bon témoignage de soumission, d'obéissance, c'est nous qui sommes envoyés dans ce monde. Donc, gardons, restons unis, veillons sur les autres et avançons ensemble. Amen.